bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, auditeurs de Fadjet. Vous êtes bien sur le 94.2 pour une nouvelle édition de l'émission Les bons plans solidaires. Alors, la Dream Team est avec moi pour présenter cette émission qui est spéciale puisque c'est l'été, c'est notre émission la plus sympa, la plus décontractée de l'année. Salut Bertrand! Salut Lionel, bonjour à tous. Bonjour Alain. Bonjour Lionel et bonjour à Radio Fadjet. Alors, ça va, mois de juillet, les vacances, le soleil, Bertrand, tout va bien? Bah, les vacances, oui, le soleil, bof, mais bon... Et toi là, impeccable. Ça peut aller, malgré que le temps fait un petit crise. D'accord. Bon, alors, cette émission, on va avoir comme d'habitude des bons plans, des bons tuyaux, des astuces, etc. On va avoir aussi des invités qui vont nous parler de leurs activités pour cet été 2022. On va avoir de la musique, on va avoir notre jeu en fin d'émission. Bref, une émission d'été, tranquille, décontractée. Allez-y, c'est parti. Eh bien, on va commencer tout de suite avec Alain. Tu nous as choisi une recette facile à faire, délicieuse, de saison. À toi. Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une salade de fruits enchantée et rafraîchissante. Pour 4 personnes, il faut 2 pommes jaunes golden, 2 poires pas trop mûres, 1 grappe de raisin noir, 1 bouquet de menthe verte, 1 melon pas trop mûr, 1 demi-verre de sucre en poudre de canne, 1 cuillère de sirop à votre choix. Pour la préparation, épluchez les pommes et les poires, enlevez le milieu des fruits, coupez en petits morceaux, lavez le raisin et arrachez les grains. Le melon, le coupez en six morceaux, enlevez la peau du melon et le coupez en petits morceaux. Prenez un grand saladier, y mettre pommes, poires, melon ensemble. Un bouquet de menthe partagé en deux et lavez avant. Prenez une casserole, y mettre les 3/4 d'eau et sucrez. Faites chauffer 1/4 d'heure sans faire brûler. Laissez refroidir. Prenez le saladier de fruits et le mettre au frigo jusqu'au lendemain matin. Bon repas, amusez-vous tous bien et bonne fraîcheur. Eh bien, merci Alain pour cette bonne recette. Mais dis-moi, la salade de fruits, c'était pas une chanson de Bourvil, ça? Oh, c'était la belle époque, on rigolait bien à l'époque, là. Mais c'est du passé. Bon appétit tous! Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On se retrouve maintenant avec une invitée qu'on a au téléphone. Bonjour Florie Després. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous êtes coordinatrice du dispositif Tremplin Sport au CDOS de Nancy. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours et ce qu'est le CDOS? Alors pour ma part, du coup j'ai un cursus à la Fac des sciences du sport de Nancy et je suis diplômée en activité physique adaptée et santé et je suis arrivée au CDOS de Meurthe-et-Moselle en 2016. Le CDOS, c'est donc le comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle. Et en fait, c'est la référence en matière de sport sur le département 54. On est en fait la tête de réseau du mouvement sportif. On est en lien avec tous les CD et les clubs du département. Voilà. D'accord. Et donc, le CDOS est particulièrement concerné par les futurs Jeux Olympiques? Alors oui, nous de loin, mais effectivement, on a notre part à jouer là-dedans, effectivement. Ouais, d'accord. Et dans ce cadre-là, donc, vous coordonnez le dispositif Tremplin Sport. Qu'est-ce que c'est Tremplin Sport? Alors, Tremplin Sport, c'est un dispositif qui permet à des personnes qui ne le peuvent pas forcément, pour des raisons financières ou autres, d'accéder à la pratique vraiment dans le but de socialisation, de bien-être, d'autonomie, de confiance en soi, pour renouer le contact avec du monde, prendre surtout un temps pour soi. C'est un dispositif métropolitain qui est mis en place depuis déjà quelques années. Voilà. D'accord. Alors, comment l'action en faveur de ces personnes fonctionne-t-elle concrètement à longueur d'année? Alors, l'action, en fait, elle est dédiée à toutes les personnes qui sont suivies par un travailleur social. Donc, ça ne touche pas uniquement que les allocataires du RSA, mais vraiment un large public. les activités, elles sont totalement gratuites pour les personnes. Et donc, on a, au cours d'une année, trois programmes d'activités physiques qui sont mis en place. Et les personnes peuvent s'inscrire à deux activités par semaine pour venir. Voilà. Ah oui, donc ça fait quand même un beau programme à l'année, tout ça. Il y a du choix. Je me doute bien. Donc je suppose que ça nécessite aussi un large partenariat pour proposer des initiatives découvertes sportives, initiations. Oui, en fait, en tant que comité olympique, nous, on a de la chance d'être un lien privilégié avec les clubs. Du coup, ce qui nous permet de pouvoir faire pratiquer les gens vraiment sur divers sports et faire découvrir plein d'associations et de pratiques différentes. Ouais. Vous pouvez me donner quelques idées d'activités sportives que vous proposez ? Eh bien oui, par exemple des activités de bien-être, on fait du yoga, de la relaxation, du qigong. Pour des activités un peu plus dynamiques pour se défouler, il y a de la boxe, de la self-défense qui est mise en place. Et puis on a aussi nos activités un peu plus traditionnelles comme du tennis de table, de la marche, de la natation, etc. De l'escrime, du canoë, pour en connaître un petit peu. Donc, oui, c'est, y a vraiment une large palette. Alors, je suis allocataire du RSA, où j'ai un minimum social, et je souhaiterais reprendre une activité sportive progressive grâce à Tremplin Sport. Comment je dois faire ? Eh bien, tout simplement, vous rapprocher de votre travailleur social pour faire votre inscription. Voilà, ça prend 5 minutes, il y a une fiche à remplir. Il faut s'engager quand même, hein, signer votre fiche d'engagement. Et puis après, il n'y a plus qu'à. Et ça coûte combien ? Et bien du coup, c'est gratuit. Mais c'est magnifique. C'est super. Alors, 10 juillet, août, vous n'arrêtez jamais. Donc vous poursuivez aussi vos actions avec des activités un petit peu diverses au rythme des vacances. Alors quel programme vous avez cet été ? Qu'est-ce que vous nous avez concocté de beau avec les participants ? Et bah, comme les années précédentes, en fait, on reste sur le même schéma. On garde nos traditionnels mercredis de la PEP. Donc, c'est tous les mercredis du mois d'août. Ce sont des journées d'initiation sportive sur les 5 mercredis du mois d'août. C'est ouvert à tous. Donc, c'est à la pépinière de Nancy. Y a nos encadrants sportifs qui sont sur place. Et puis, de 11h à 16h, on fait de l'animation sportive. On essaye de faire découvrir d'autres pratiques un peu moins connues, des petits jeux, et puis c'est ouvert à tous. D'accord. Et gratuit. Donc, il suffit d'aller à la PEP pendant cet été et on retrouvera toute l'équipe de Tremplin Sport. Exactement. D'accord. Pour terminer, Florie, vous avez quelques scoops sur des activités à partir de septembre ? Eh bien, en septembre, on va remettre en place du tir à l'arc, qui était une action qu'on mettait en place avant et qui n'a pas pu se continuer par la suite. Et là, on a renoué avec le club et on va pouvoir remettre en place du tir à l'arc sur Nantes. Ok, bah super, merci Florine, votre venue au Bon Plan Solidaire. On vous souhaite un bel été, par avance une bonne rentrée, et comme on dit, portez-vous bien, à bientôt. Merci à l'équipe du GSA, merci pour l'invitation, merci à Radio Fadjet, et puis un bel été sportif à tous. Merci, au revoir. Eh bien merci Bertrand, on se retrouve maintenant pour notre première pause musicale de cet été. Alors c'est un type que vous allez entendre sûr dans les clubs de France, d'Europe et même aux États-Unis. C'est une histoire très sympa d'ailleurs. Faut remonter à quelques années en arrière où trois jeunes musiciens, sans doute les plus talentueux de leur génération, Jean-Yves D'Angelo, Manu Katché et Camille Rustam, qui accompagnaient tous les artistes français et de nombreux artistes internationaux, avaient monté un petit groupe qui s'appelait Préface, et ils avaient fait un titre. Et puis cette chanson qui a eu un beau succès est aujourd'hui souvent reprise par les DJ dans le monde entier, comme en reprenant donc leur rythmique de cette chanson-là. Alors Jean-Yves, ni une ni deux, a recontacté Camille et a recontacté Manu, et ils ont réenregistré complètement cette chanson-là, en y apportant une touche latino et en allant chercher d'autres musiciens qui connaissent en France. Alors ce titre vient de sortir tout juste, donc c'est presque une première. Ça s'appelle Palace Hotel I Miss You. On l'écoute tout de suite, et je voudrais juste rajouter qu'il y a quelques jours c'était l'anniversaire de Jean-Yves D'Angelo. Donc Jean-Yves, on te souhaite un joyeux anniversaire. Allez, Palace Hotel I Miss You, et on se retrouve juste après. Oh, a chance. Don't tell me once again that you're done with dating. I can't let go, I miss you. Voilà, on vient d'écouter donc Palace Hotel I Miss You, et maintenant on retrouve Bertrand pour sa chronique conso, et je crois que tu vas nous parler des soldes, parce que attention, quelquefois les soldes cachent bien de choses désagréables. À toi Bertrand. Oui, la pratique des soldes, c'est encore la saison un petit peu, la pratique commerciale apparaît à la fin du 19e dans les grands magasins, voire Zola au bonheur des dames. Alors, selon l'Institut français de la mode aujourd'hui, 50% des vêtements sont vendus à prix barré contre 20% en 2000. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, presque l'essentiel des vêtements vendus aujourd'hui sont vendus en solde quasiment. Donc en fait, c'est une pratique maintenant qui est devenue... banal, parce que là je vais parler essentiellement des soldes sur les vêtements. Alors les principales arnaques, ou on va dire escroqueries, arnaques concernant les soldes. Alors vous pouvez voir les prix augmenter avant les soldes, et puis ensuite on applique un rabais sur le vêtement. Donc par exemple un vêtement vendu normalement 49,99, un exemple qui a été pris en photo par des internautes et qui est passé sur Twitter notamment, je ne citerai pas la marque, un vêtement vendu normalement 49,99 est passé à 74€ avant d'être vendu soldé à 30% à 51,80. Autrement dit, avec 30% de remise, vous aviez 5, quelques euros, 2 euros de plus qu'avant les soldes. Alors autrement, vous avez les collections spéciales soldes qui sont uniquement fabriquées en vue des soldes. Donc, ce sont des vêtements qui généralement ne valent pas grand-chose en qualité et ne sont destinés qu'à fournir le marché des soldes. Autrement, vous avez également les mêmes vêtements mais qui sont dans des qualités différentes. Donc la qualité 1 est vendue plein pot en cours de saison. Il reste 2-3 articles en fin de saison qui sont soldés. Mais vous avez également donc une qualité 2 qui sont fabriquées spécialement pour les soldes, qui ressemblent fortement à la qualité 1, mais vous avez un bouton en moins sur la veste, le tissu est plus léger et ainsi de suite. Et enfin, fait, on vous vend du rabais sur du produit qui, de toute façon, ne vaut déjà pas grand-chose. Alors, autrement, il faut savoir qu'une étiquette sur, au moment des soldes doit comporter le prix non soldé, le prix soldé et le taux de remise. Alors, il faut faire attention, venir avec ça calculer dans les magasins, parce qu'un article à 130 euros, par exemple, qui est soldé à 30%, vous allez le voir souvent affiché à 100 euros. Et ça ne vous fait pas du tout une remise de 30%, parce que 30% sur 130, ça doit vous faire l'article à 91 euros. Voilà, il faut savoir également que la garantie légale de conformité s'applique aux articles soldés, comme sur les articles non soldés. C'est-à-dire qu'un commerçant ne peut pas vous dire, à partir du moment où il est soldé, non, il n'y a pas de garantie, reprenez avec votre article. Voilà, entre autres. L'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les soldes. Et lorsqu'on achète un produit dans les soldes, Bertrand, et qu'on nous dit, qu'on le rapporte parce qu'il ne voit pas, la taille n'est pas bonne, ou je ne sais pas trop, et on vous dit, ah ben oui, mais vous aurez un bon d'achat. Est-ce que ça, c'est légal ou pas? Oui, c'est légal. Parce que, surtout, de toute façon, le commerçant n'est même pas obligé de vous reprendre l'article, parce que c'est vraiment la garantie des vices cachés. C'est-à-dire que si vous rapportez l'article parce que finalement il ne vous voit pas, ça vous pouviez le voir en magasin. Ce n'est pas un vice caché. L'article, vous pouviez l'essayer en magasin, vous pouviez voir qu'il ne vous allait pas. Donc, ça serait vraiment sympa de la part du magasin de reprendre l'article, mais il peut très bien vous faire un bon d'achat et pas du tout un remboursement. Ça, c'est important parce qu'on sait que ça arrive souvent. Voilà, autrement, le restant, autrement des soldes, bon, vous avez des affaires à faire, effectivement, en électroménager et ainsi de suite, ils ne permettent pas de fabriquer des articles exprès en fer blanc pour que ça coûte moins cher. Non, c'est vraiment typiquement sur les vêtements, il faut faire attention sur les vêtements. Autrement, pour tout l'ameublement, etc., il n'y a pas de souci, on peut faire des bonnes affaires. D'accord, eh bien merci Bertrand pour ces bons conseils qu'on utilisera, ça c'est sûr. Je dis au revoir Bertrand, mais non, tu reviens parce que tu voulais nous parler de deux activités ou deux animations durant ce mois de juillet cet été sur Nancy. Oui, en ces périodes de forte chaleur, je voulais rappeler que l'opération Rive de Meurthe est renouvelée cette année, elle a eu beaucoup de succès. Et donc jusqu'au 4 septembre, vous pouvez vous rendre à la plage des Deux Rives, de part et d'autre des Deux Rives de la Meurthe, à Nancy. Et à Tomblaine, la plage des Deux Rives est composée de 40 000 m² d'espace naturel aménagé, donc ça fait quand même 4 hectares. Elle est accessible en tram, bus et vélo tous les jours et gratuitement. Donc le site côté Tomblaine comprend des bassins de baignade ainsi qu'une aire de jeu avec jet d'eau. Donc il y a de quoi ravir les familles largement. C'est gratuit et il y aura de l'eau pour se rafraîchir. Et vous avez également à Nancy cette année une nouveauté, jardin d'eau à la pépinière qui a... été réaménagé, donc le réaménagement du bassin central du parc La Pépinière. Donc vous avez un nouvel équipement de 671 m², une esplanade de jets d'eau traversable, 54 jets au total, de quoi se rafraîchir largement. Ça amuse beaucoup les enfants parce que, bon, voilà. Et donc, et c'est gratuit, bien évidemment, aussi. Donc vous avez de quoi vous rafraîchir à deux endroits de Nancy. Je voulais signaler également une exposition qui aura lieu jusqu'au 31 octobre, enfin qui a lieu jusqu'au 31 octobre, qui est 53 rue Stanislas à Nancy à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est gratuit également, c'est de 9h à 18h tous les jours. Et sauf le samedi et le dimanche. Et c'est une exposition sur le verre en lumière. Vous pourrez admirer un large panorama de verres et cristaux produits par les manufactures du Grand Est. Et Nancy est quand même bien connue pour Dôme, ses verres, notamment. Dômes, etc. Donc voilà, c'était à souligner donc, cette exposition exceptionnelle, puisque cette année, je crois que c'est l'UNESCO a déclaré que 2022 était l'année internationale du verre. D'accord, en tout cas, oui, retrouver tous les verriers du Grand Est dans l'histoire, ça doit être sympa, c'est une belle expo, on ira faire un petit tour. Merci Bertrand pour ces bonnes nouvelles. je vous en prie. Allez, c'est l'heure de notre deuxième pause musicale. Et puisque Yves travaille sur les bons plans solidaires qu'on va l'acharner chaque mois, et ben c'est lui qui va faire sa propre sélection. Yves, c'est toi qui nous fais la chanson numéro 2. Et on se retrouve juste après. Écoutez, c'est l'été sur Fadjet. J'ai la montre arrêtée, j'ai même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Je regarde dans le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, plus besoin de se presser. Radio libre allumée, stop, pas de publicité. Une chanson bien cotée, c'est le tube de l'été. Me fait flipper de la tête aux pieds. Je commence à ranger, car ce soir terminé. Je serai sur la route avec bison futé. Je suis pas seul à rêver du ciel des palmiers. Et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime. Yeah. pas besoin de penser, on ne peut pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable et bercé par les vagues. Petit corps bronzé, dévêtu de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis: qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit: petite boîte de nuit, soirée champagne whisky. Ambiance folie toute la nuit. Bien donc, merci Bertrand. Il est déjà presque l'heure de la fin de notre émission de l'été des BPS. Mais avant de se quitter, on va faire notre petit jeu habituel, celui des anniversaires des célébrités. Alors, les célébrités nées en juillet. Notre première célébrité est née le 1er juillet 1991. Il a eu 31 ans le 1er juillet. Son nom de famille est Smadja. C'est un acteur, humoriste, producteur et scénariste français, né donc, je le répète, le 1er juillet 1991 dans le 16e arrondissement de Paris. Il connaît le succès dans des rôles d'adolescent dans les années 2010, très connu à travers la série Soda et dans les films Les Profs, Fiston, Les Profs 2, Les Nouvelles Aventures d'Alana, et Aladdin 2. Est-ce que vous voyez qui il est? Non. Son prénom est Kevin. Non, ça c'est alors, trop jeune pour moi comme génération. Vous ne l'avez pas trouvé, donc vous avez perdu. C'est vous qui payez l'apéro. C'est, il s'agit de Kev Adams. Alors, c'est parti pour notre deuxième célébrité. Elle est née le mardi 5 juillet 1940. 48 à Manneville, en Normandie. Elle a donc eu 74 ans hier. C'est une actrice française. Elle a obtenu 4 Césars, 2 fois celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Sauf qui peut la vie en 81 et Une étrange affaire en 1982. Et 2 fois celui de la meilleure actrice pour le film La Balance en 1983 et Le Petit Lieutenant en 2006. Pas d'idée pour l'instant. Elle fut la compagne de Johnny Hallyday et eut une fille avec lui qui se prénomme Laura. Nathalie Baye. Nathalie Baye, bravo! Allez, on continue avec notre troisième célébrité. Alors, son vrai prénom de naissance est Bernard. Il est né le 9 juillet 1956 à Nanterre et aura donc 66 ans dans quelques jours. Une salle des fêtes de la région porte son nom. C'est un chanteur français, également acteur, écrivain, scénariste et réalisateur. Il est venu nous rencontrer au GSA. Moi, j'étais pas et là. Il est surtout connu comme chanteur du groupe Trust. Il s'agit de Bernie Bonvoisin. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Allez, le dernier invité mystère. C'est plus compliqué. Notre célébrité est née le 10 juillet 1967. Il est originaire de Malte, donc c'est un Maltais. C'est un marin et aventurier qui a donné son nom à la série. Corto Maltese, non ? Oui, Corto Maltese. Et j'allais rajouter que François Mitterrand était un fan de cette célébrité. Ses premières aventures sont apparues dans le magazine pour enfants Pif Gadget entre 1970 et 1973. Et qu'au cinéma, c'est Richard Berry qui lui prête sa voix depuis toujours dans les films. Bravo Bertrand ! Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers. Rêveur, je ne parlerai pas, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, heureux, comme avec une femme. Corto Maltese, votre nom me dit quelque chose. Eh bien voilà, le jeu des anniversaires des stars se termine. Et notre émission aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Alain, bonnes vacances. Qu'est-ce que tu vas faire de beau pendant les vacances ? Je vais refaire la tapisserie. D'accord. Et toi Bertrand ? Je ne sais pas encore. Eh bien c'est une excellente idée. Eh bien on se retrouve tous à la rentrée, on prend notre pause avec Fadjet. Et on se retrouve le deuxième vendredi du mois pour la reprise de la nouvelle série. Avec les aventures des bons plans solidaires. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous sur Fadjet un bel été, un beau mois de juillet, un beau mois d'août. Essayez de partir en vacances, prenez le soleil, baignez-vous. C'est les vacances, on en profite. Mais soyez quand même prudents avec la pandémie et on se retrouve à la rentrée. À bientôt, ciao ciao. Ciao ciao. Allez.